Le pont d'Avignon. Avion, bon, melon, violon, le pont d'Avignon. Virelangue. C'est si saucisson si, son si sec, qu'on est si si sans son. Répétez. Bonjour, le pont est long. J'adore la confiture au citron. Tu es con. Attention. Son, sein. Bon, bain. Pont, pain. Répétez. Son, sein. Bon, bain. Pont, pain. Répétez. Le pigeon et le papillon sont très mignons. Le poisson a sa boisson dans l'aquarium. Revenons à nos moutons. Le saumon et le thon sont des poissons. À bientôt!